Radio Antigone. Radio Antigone. Radio Antigone. De 18h30 à 19h30, c'est la case Talk d'Enzo. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Antigone, votre radio à vif avec votre case du soir, comme tous les jours, jusqu'à 19h30. Au programme, bien comme d'habitude, nos chroniques habituelles, sauf qu'aujourd'hui elles vont être un peu perturbées. Et ce sera un plaisir de les perturber aujourd'hui, puisque nous allons accueillir un invité. On vous en avait parlé, on vous l'a promis. À la suite d'une case d'avant, vous savez, la rubrique qui nous permet de réécouter les titres de l'actualité d'il y a quelques années, nous avions pensé à inviter un employé de France Info, et même plus qu'un employé. Il s'agit de la chef d'exploitation d'antenne de France Info, le CEA. Il s'agit donc de Delphine Sabat qui viendra nous présenter son métier. Mais elle est déjà là d'ailleurs, elle va pouvoir nous dire un petit mot. Bonjour madame. Alors, ne sors pas où il faut. Problème technique. Antigone, voilà. Alors, est-ce que ça veut bien? Voilà. Normalement, on devrait entendre l'équipe et Delphine Sabat à l'antenne. Faux départ, bonsoir. D'accord. Allô Enzo. Allô Matt. Oui, on t'entend. Ça y est, on vous entend à l'antenne. C'est bon. Voilà. J'ai réglé les petits problèmes techniques. Ça commence bien. Vous en avez l'habitude sur Radio Antigone. Ouais. Je vous le disais donc, aujourd'hui, un invité. Il s'agit de Delphine Sabat qui travaille sur France Info à France Télévisions, France Info TV, la chef d'exploitation antenne. Bonsoir madame. Bonsoir, merci pour votre invitation. Voilà, cette fois on vous entend. Et bien c'est un plaisir d'être, que vous soyez avec nous, un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes donc, c'est vous qui gérez l'antenne et la diffusion. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Pour nos auditeurs, vous allez voir ce qu'on a prévu pour que nos auditeurs sachent un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. On a prévu de faire une petite présentation donc de ce métier de chef d'exploitation d'antenne. Nous parlerons ensuite des perturbations dues au Covid-19 et au confinement, réduction d'équipe, bref, que s'est-il passé à France Télévisions? Qu'est-ce que ça a changé cette période de confinement de plus de 2 mois? Et puis on terminera sur le sujet qui nous amène quand même à cette invitation, c'est-à-dire l'avenir des médias. Qu'est-ce qu'on voit dans les prochaines années dans notre boule de cristal de la télévision? Nous verrons cela. Je vous propose donc de commencer avec les différentes questions de Matt et Morgane qui sont, comme d'habitude, là, les membres de l'équipe. Bonsoir Matt, bonsoir Morgane. Bonsoir. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Comment ça va? Bonsoir. Ça va plutôt bien aujourd'hui, oui. Ah. Eh bien, parfait. Prêt pour une nouvelle émission encore? Allons-y. Allez, c'est dans parti. Dans les starting blocks. Eh bien, on va tout de suite donner la parole, donc, bien sûr, à Delphine Sabat. Vous êtes donc, je l'ai dit plusieurs fois, chef d'exploitation antenne. Mais alors, en quoi consiste ce travail, généralement? Alors, le chef d'exploitation antenne, déjà, nous sommes plusieurs, nous sommes 6 sur France Info. Nous sommes en rotation hebdomadaire. Alors, le métier de chef d'exploitation antenne, c'est un métier... souvent, j'utilise des métaphores pour le définir. On est un peu les gardiens du temps. C'est un coordinateur qui coordonne toute la grille de programmation de la chaîne et qui, surtout, est le gardien technique de diffusion et qui doit tout faire au quotidien pour que la chaîne soit diffusée à l'heure et dans les normes techniques demandées par France Télévisions. Voilà. Ça, c'est un chef de chaîne. Notre travail est de coordonner avec la régie et la rédaction et les journalistes toute l'antenne au quotidien. Et bien sûr, comme nous sommes une chaîne d'infos, nous avons des imprévus, des breaking news, comme on appelle ça dans le métier, qui font que nous devons absolument coordonner l'antenne vraiment minute par minute avec les journalistes et le directeur de la rédaction pour informer les gens comme le veut le directeur de la rédaction et les rédacteurs en chef. D'accord. Et donc vos horaires sont assez sur une grande fréquence horaire quand vous travaillez en régie? Oui. Oui, alors nos horaires, la chaîne, nous commençons à, ça commence à 5h du matin jusqu'à minuit en fait. Donc 5h du matin, c'est le chef de chaîne qui va s'occuper de la matinale en grande majorité, celle que vous avez aujourd'hui. Après, il y a un chef de chaîne pour la journée. Et puis, il y a un chef de chaîne qui vient pour la soirée. Voilà, et pour gérer le raccrochage de nuit à minuit avec France 24. Donc, on tourne à 3, mais là, avec le Covid, on tourne seul par vacation pour éviter de se rencontrer. On a réduit, il y a une vacation qui est en moins pour pas qu'on se rencontre. D'accord, puisque normalement, à un moment, vous êtes en commun pour pouvoir travailler ensemble et laisser le voilà. Le témoin. C'est ça. Tout D'accord. à fait. Normalement, de la journée, si vous voulez, il y a le chef de chaîne de la journée rencontre celui du matin et rencontre celui de la soirée. Ce qui fait qu'on est souvent deux, mais là, on est seul. Pour éviter la contamination ou le moindre problème avec le Covid. Et ça, le fait que vous soyez seul donc pour faire les passages de témoins, c'est beaucoup. C'est plus compliqué c'est plus compliqué. Alors, en fait, pour vous expliquer, pas seulement à France Info, mais dans beaucoup de chaînes de télévision, le chef de chaîne est tout seul. Nous, c'est entre guillemets un peu exceptionnel qu'on soit deux. En fait, on est deux souvent aussi pour pouvoir mettre la pause de déjeuner du collègue. Mais en fait, chef de chaîne, c'est un métier où on peut être tout seul. C'est pas obligatoire d'être plusieurs. Donc non, moi, ça me choque pas d'être tout seul. Parfois même, au contraire, c'est agréable parce qu'on gère vraiment tout de A à Z. On a une certaine indépendance quand on est tout seul. Mais non, voilà, je pense que c'est quelque chose... Moi, je suis habituée à travailler toute seule dans une régie de diffusion, donc ça m'a pas choquée. D'accord. Matt, je crois, avait une question. Oui. Oui, j'en ai une. Alors, ça porte pas tellement sur le Covid, mais en fait, j'aimerais parler un peu de l'avenir de France Info, la télé en particulier. Oui. Et alors, je regarde France Info depuis 2016, depuis son lancement. Uh-huh. Et je dois avouer que depuis 2016, du coup, j'ai trouvé que la télévision s'éloigne de plus en plus de la radio. C'est-à-dire qu'auparavant, au lancement de la chaîne, il y avait des rappels des titres en uh-huh. simultané radio-télé toutes les 10 minutes. Il y avait jusqu'à peu aussi des flashs d'informations simultanées aux heures 30 qui ont été remplacés par des rediffusions de journaux, et les journaux ont été rallongés. Alors du coup, je voulais savoir pourquoi uh-huh. est-ce qu'il y a eu un tel éloignement, et est-ce qu'en fait c'est pas la télé qui compte devenir de plus en plus indépendante? Alors en fait, par rapport à Radio France, il y a eu deux choses qui se sont succédées par rapport au fait qu'on les reprenne moins à l'antenne. Il y a eu, avant le Covid, ils ont eu la grève. Ils ont eu une grève interne qui a fait que, je crois que pendant un mois et demi ou deux mois, nous avons eu les programmes avec eux qui ont été perturbés. Et puis après, on a enchaîné sur le Covid. Effectivement, c'est problématique de les récupérer Radio France. Parce que on n'arrive pas à les joindre, c'est assez compliqué d'être synchronisé avec eux. D'ailleurs, si vous remarquez, les titres qu'on a aujourd'hui actuellement sont dans le studio 421, donc techniquement, c'est pas vraiment ça. C'est très compliqué au niveau luminosité, timing, parfois ils sont en retard et on ne le sait pas. Parce qu'en fait, comme on est synchronisé avec la radio, c'est l'horaire radio qui domine sur l'horaire télé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand la radio est en retard, s'ils nous préviennent pas, on peut pas le savoir, et des fois, bon, ça donne une synchronisation précise. Effectivement, après, comme il y a eu la grève avant le Covid, on reprenait plus leurs émissions pour les informer ou le politique du matin. Mais effectivement, après, c'est des accords entre la télé et la radio qui sont confidentiels et que moi-même je ne maîtrise pas. Mais normalement, la radio est toujours en partenaire avec nous, tout comme France 24, et toutes les synergies du service public continuent. Mais là, je pense qu'il y a eu une succession d'événements à Radio France qui ont fait qu'on les a moins récupérés pour plusieurs raisons. Après, effectivement, c'est toujours compliqué quand il y a deux rédactions. Là, il y a la rédaction radio, rédaction télé. Il faut savoir que c'est France Télévisions qui est maître sur France Info de la télé. Mais bon, il faut trouver des synchronisations de travail ensemble. Et je pense qu'à plus haut niveau, c'est pas si simple. Mais je pense que voilà, le problème de Radio France, il est là. Il est que avec les problèmes qu'il y a eu et la succession, ben on a l'impression que Radio France est moins présente. Mais je pense que d'ici cet été, voire septembre, ça va revenir à la normale, petit à petit en fait. Et d'accord. Pour vous, de façon technique, est-ce que avec ces contraintes, on va dire réduites, puisqu'il n'y a plus à décrocher pile à l'heure pour les fils info, les rappels des titres, est-ce que c'est plus facile pour faire votre métier? Alors nous, c'est plus compliqué parce qu'on essaye de rester aux horaires. Là, on fait les titres de 20 et de 50 obligatoirement, à part quand il y a un breaking news. Quand il y a une actualité en direct où on peut pas les récupérer parce qu'on prend le Premier ministre en direct ou le Président de la République ou l'Assemblée nationale. Mais ce qui est compliqué, c'est le lien, c'est de leur parler. Parce que quand on travaille avec le studio 410, on les a en permanence. Donc on arrive à synchroniser vraiment proprement, techniquement les choses. Là, on a du mal à les contacter, donc c'est un peu compliqué pour nous de travailler avec eux. Après, on a toujours eu un très très bon rapport avec Radio France. Moi, je sais que j'adore travailler avec Radio France. Ça a vraiment été une découverte pour moi, que je connaissais pas vraiment bien Radio France de l'intérieur. Et c'est vraiment un travail rigoureux. Ils sont très très professionnels, très diplomates. On a un rapport vraiment très affectif ensemble avec les journalistes, les titreurs, les ingé-sons. Donc c'est vrai, parce qu'on fait quand même des décomptes pour les récupérer. On se parle. Donc là, c'est vrai, ça manque. On a perdu un peu ce lien, mais c'est quelque chose qui va revenir petit à petit. C'est vraiment une des conséquences du Covid qui fait que effectivement, on a l'impression qu'on s'éloigne un peu de ce partenariat, mais en fait, c'est je pense en stand-by et ça va revenir. Alors, d'ailleurs, vous parlez beaucoup d'horaires. C'est vrai que ça a un rôle assez important à la télévision et justement à France Info TV. Je ne sais pas pourquoi, j'aimerais avoir des explications là-dessus. Souvent, les journaux des heures se lancent une minute avant. Donc, par exemple, celui de 11h, j'ai vu beaucoup de fois, si ce n'est tout le temps, je l'ai vu commencer à 10h59. Ça me surprenait d'ailleurs. Je voulais savoir comment ça se faisait. D'ailleurs, c'est dans la grille officielle, je crois, avec écrit 59. Voilà. C'est ça. En fait, l'horaire officiel, c'est 59. Et quand c'est Radio France qui faisait les flashs à 30, on les gardait à 30. Là, comme c'est nous qui faisons les journaux à 30, on reste sur 29 pour un souci de timing pour arriver à l'heure à 59. Et en fait, c'est vrai qu'au début de la chaîne, on faisait 30, on faisait 00. Et puis, à un moment donné, la direction a la programmation a préféré d'avancer d'une minute. Donc, ça sera toujours à 59. Et 29 en ce moment, pour des raisons, je pense, plutôt de stratégie d'antenne, pour récupérer un peu avant qu'un horaire fixe. Ça se fait beaucoup dans les autres chaînes. D'ailleurs, si vous voyez le journal de France 2, il commence, je crois, à 58-59. C'est devenu un peu la norme au niveau news pour commencer les journaux. Mais ça, c'est une stratégie d'antenne, tout simplement. Hein. D'accord. Oui, parce que moi, je dois vous avouer qu'en tant que téléspectateur, souvent, ça me perturbe d'arriver à une heure pile et de voir que le journal a déjà commencé, ça me perturbait assez. Je peux comprendre, effectivement, parce qu'on est habitué, notre cerveau est habitué à des heures rondes. La télévision, c'est vrai qu'on a toujours des heures rondes, mais dans le news, en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi c'est dû à une concurrence de l'information, c'est-à-dire comme il y a beaucoup de chaînes et beaucoup de concurrence, il y a ce côté qui va commencer le premier. Moi, c'est comme ça que je perçois un peu les choses. Et en se disant peut-être que si on commence les premiers, les spectateurs vont rester plus sur ce journal qu'un autre. Honnêtement, c'est à prouver. Je ne sais pas si c'est vraiment ça marche, si le téléspectateur se fait avoir par le fait de commencer une minute plus tôt. Mais moi, je pense que c'est plus une stratégie d'antenne et qui est rentrée dans les mœurs audiovisuelles, on va dire. Et on n'oublie pas qu'on a, bien sûr, de toute façon, les fils infos, les rappels des titres qui sont, par contre, eux, pile à l'heure. Morgane avait une question. Oui. Je souhaitais savoir, premièrement, je ne sais pas si ça a déjà été dit à l'antenne, depuis quand exercez-vous à ce poste pour France Info Télé? Alors moi, je suis arrivée en 2016, en juillet 2016, avant le lancement. Parce que quand on lance une chaîne d'info, effectivement, les équipes arrivent toujours un peu avant parce qu'il y a un gros travail d'installation et de mise en place des choses avant le lancement réel. Comme vous savez, je pense que même en radio, ça doit se faire. On fait une antenne à blanc pendant un mois ou deux qui permet de tester tout ce qui est exploitation, matériel, et puis que les journalistes puissent s'entraîner pour être au point le jour J du lancement. Voilà, c'est pour tester. Donc moi, je suis là depuis 4 ans. Ça va faire 4 ans au mois de juillet. D'accord. Ah ben je pense que vous avez un peu lu dans la question que je voulais vous poser, parce que justement j'allais vous demander si vous aviez été associé au préparatif de lancement. Vous me dites donc que oui. Ça vous a permis, j'imagine, de constater peut-être certaines améliorations au fur et à mesure pendant justement le mois d'antenne à blanc que vous évoquiez, certains réglages qui se sont faits. Est-ce que vous pourriez en révéler peut-être 2-3 détails là-dessus? Alors effectivement, alors pour la petite histoire, moi j'ai participé à 4 lancements de chaînes d'info, et sauf RCI, j'étais trop jeune à l'époque. Donc toutes les chaînes d'info, avant leur lancement, effectuent des antennes à blanc. C'est obligatoire, parce que quand on construit une régie technique, déjà il faut tester le matériel, il faut que le personnel technique se forme aux technologies qu'on leur donne pour lancer la chaîne, et à côté on a les rédactions, les journalistes qui doivent apprendre leur mécanique interne par rapport au journal. Et comme vous savez, France Info, c'est une chaîne qui est beaucoup axée sur le numérique. Donc, en plus de l'antenne, il fallait quand même aussi s'adapter aux écrans tactiles, aux hubs. Il fallait que tous les journalistes apprennent comment ça fonctionne, apprennent comment le journal est mis en scène. Parce qu'il faut savoir qu'on a un directeur artistique qui impose une mise en scène, un mécanisme de réalisation. Vous avez remarqué, nous avons 13 caméras que les CTR utilisent au quotidien. Mmh. Et effectivement, le cheminement de la création d'une chaîne d'info, elle est écrite sur un papier, il y a toute une réflexion. Mais à l'arrivée, beaucoup de choses changent. Parce que, il faut savoir, c'est que France Télévisions n'avait pas de chaîne d'info. Ça a été le dernier groupe à avoir une chaîne d'info. Et en fait, c'est pas une chaîne généraliste. Donc, ils avaient une certaine méconnaissance, entre guillemets, de certains mécanismes d'une chaîne d'info. Et ça, il fallait apporter des salariés qui connaissent le métier, qui avaient quelques notions, des compétences pour leur apporter ça. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là, parce que je connaissais très très bien la chaîne d'info, et j'ai pu apporter plein de choses par rapport à mon expérience et les aider sur plein de choses pour leur dire voilà, là c'est, et même éditorialement, il y a, si vous voulez, il y a des journalistes, des techniciens qui savaient pas ce que c'était un rappel de titre, parce que quand on a travaillé que sur des chaînes généralistes, hein, on n'a pas de rappel des titres, on sait pas trop comment ça se passe avec une rédaction. Si vous voulez, chez France Télévisions, j'étais habituée à faire des journaux nationaux, mais ils savaient pas ce que c'était de faire 18 heures d'antenne que d'information. C'était nouveau pour eux. Donc effectivement, oui. Voilà. Chers auditeurs de ce podcast, lorsque j'ai posé la question qui arrive et à laquelle Delphine Saba, notre invitée, va répondre, mon micro n'était pas activé. Oui, parfois je me trompe et j'oublie d'activer le micro. Donc voici la question que je lui ai posée, malheureusement hors antenne pour ma part. Je lui ai demandé si c'était France Télévisions qu'il avait contacté, puisque en sachant son expérience, en sachant qu'elle avait... lancer en quelque sorte d'autres chaînes, ou si c'était elle qui souhaitait changer et qui avait donc répondu à l'appel pendant une potentielle recherche de France Télévisions. Non, en fait, si vous voulez, à l'époque, moi je travaillais pour France 24, j'étais intermittente, et effectivement, France Télévisions a lancé une appel d'offres en annonçant qu'ils allaient lancer une chaîne d'information. Donc, j'ai postulé comme tout le monde sur Internet, sur le site de France Télévisions. Effectivement, de fil en aiguille, comme France 24 fait partie du service public, les équipes dirigeantes du lancement sont venues à France 24 pour voir comment déjà France 24 fonctionnait, pour comprendre comment ils allaient construire et la hiérarchie qu'ils avaient besoin au niveau du personnel. Parce que pour savoir quel personnel il faut en régie, quel personnel il faut en rédaction, comment fonctionne une programmation news, une antenne news. Moi, j'ai postulé parce qu'à l'époque, j'étais intermittente et que je voulais passer sur un poste fixe. Et puis, on m'a appelé et j'ai passé l'entretien. Alors, effectivement, je pense que par rapport à l'expérience, ils ont été ravis. Après, je ne sais pas s'ils ont eu réellement confiance de ce qu'ils allaient avoir besoin. Parce qu'en fait, le chantier était tellement énorme et il y avait tellement d'inconnus que c'est sur le moment que les chefs, enfin que les directeurs se sont aperçus plus ou moins de l'expérience de chacun. Donc effectivement, moi après quand je suis arrivée dans la régie, on devait s'entraîner sur Dallaire, on devait comprendre comment fonctionne l'automatisation par rapport à la diffusion. Après, il y avait un autre problème, il fallait aussi connaître comment fonctionne la diffusion de France Télévisions. Les chefs de chaîne internes, le centre de diffusion et d'échange de France Télévisions, le service public a un fonctionnement très, très précis. Et ça, c'était très compliqué à intégrer, parce que quand on vient du privé et qu'on rentre dans le public, c'est pas du tout le même rythme et la même manière de travailler. Donc, ça faisait beaucoup de choses en même temps à apprendre. Et ça s'est plutôt bien passé en général, parce qu'on a travaillé avec des gens de l'extérieur et puis on a travaillé avec des gens de l'interne. Et le mélange s'est très, très bien passé. Voilà. Oui, alors ça ne concerne pas votre parcours, ça concerne plus la chaîne en elle-même. Alors, au lancement de la télé et donc pour la radio aussi, en 2016, c'est Jean-Michel Jarre qui a fait le nouvel habillage sonore. Il l'a d'ailleurs refait. Il l'a d'ailleurs fait évoluer en 2019. Or, il s'avère qu'à l'antenne de France Info Télé, pour certaines émissions, notamment Vrai ou Fake, Zéro Émission, pour certains magazines, en fait, ce ne sont pas les sonores de Jean-Michel Jarre qui sont utilisés à l'antenne, alors que la radio les utilise. Je voulais donc savoir comment France Info Télé choisit les sonores des différentes émissions, promotions, transitions, magazines, et pourquoi elle ne choisit pas tout le temps les créations de Jean-Michel Jarre, du coup. Alors, écoutez, moi, pour l'habillage, ce que je peux vous dire, c'est que, étant donné, à mon avis, comme nous avons un directeur artistique, qui est Serge Bonafou, qui travaille sur d'autres émissions pour le service public, je pense qu'à travers les infographistes et puis en interne, il y a peut-être des choses qui sont récupérées en interne. Après, je ne sais pas, de toute façon, c'est forcément le directeur artistique qui décide, avec la programmation et le directeur de rédaction, des concertations. Après, peut-être qu'en interne, comme ils ont la possibilité de créer d'autres jingles, d'autres sonores, ça vient plus d'eux. Ça, moi, par contre, à part les infographies, j'ai pas accès du tout à la fabrication d'habillage. C'est vraiment quelque chose qui est lié au directeur artistique. Après, effectivement, ils ont fait faire un habillage au début de la chaîne par Jean-Michel Jarre et par une entreprise spécialisée d'habillage télé. Il a un petit peu évolué, mais moi, je trouve pas beaucoup pour une chaîne qui a bientôt 4 ans. Je trouve que l'habillage devrait être plus évolutif, et même en termes de bande-annonce. Donc ça, c'est des choses qui vont s'améliorer, je pense, avec le temps. Il faut savoir qu'une chaîne d'info, on estime qu'il lui faut au moins 10 ans pour vraiment être à niveau, pour être regardé, pour être reconnu. Pour l'instant, France Info est en train de grandir. Moi, je pense que avec les synergies du service public, elle devrait pouvoir vraiment évoluer positivement. Après, en ce qui concerne l'habillage, bon, bah, ça c'est quelque chose qui est un peu loin de mon poste. Même si je le diffuse et si vous voulez, tout ce qui est cartouches, vous voyez les cartouches qu'on voit à l'antenne, il y a plein de choses qu'on nous demande et qu'on gère avec les graphistes. Mais après, tout ce qui est décisionnaire, moi, c'est vraiment très loin, donc je ne pourrais pas vous dire. D'où viennent les autres génériques? À mon avis, c'est fabriqué en interne. Ou alors, voilà, ils ont je pense qu'ils ont peut-être des graphistes qui sont capables de leur faire ça. Mais voilà, j'en sais pas plus à ce niveau-là. C'est vrai que c'est quelque chose qui est plus confidentiel pour moi et je ne j'ai pas toutes les données à ce niveau-là. D'accord, merci. Une fois encore, mon micro était désactivé. Ah bah oui, c'est très professionnel. Je ne peux pas exactement vous dire ce que j'étais en train de dire. On parlait de l'habillage de France Télévisions. Je félicitais déjà France Télévisions, France Info TV qui avait mis depuis cette année en place quand même une continuité d'habillage par rapport à celui de Radio France avec de nombreux sonores différents en accord avec les horaires de diffusion à France Info Radio. Voilà un peu ce que je disais. Effectivement, quand je regarde la télé, effectivement, au niveau de l'habillage sonore, notamment, je trouve que c'est flagrant là. On n'a pas de sensation de différence avec le nouvel habillage sonore, sensation qu'on a pourtant à la radio. Alors oui, parce que comme je vous expliquais, bon, la radio a son propre, la Radio France et France Télé sont deux groupes différents. Même si c'est public et qu'il y a des synergies, ils ont leur propre habillage qu'on respecte parce qu'il y a, comme France Info était d'abord une radio, il y a quand même un lien où ils ont respecté la charte de France Info radio avec la télé. Mais effectivement, bon, si vous remarquez, il y a quand même des nouveaux génériques pour les nouvelles émissions. Ils essayent de faire certaines choses, mais en fait, tout ce qui est habillage, c'est quelque chose qui coûte très cher à fabriquer parce que c'est pas simple. Et ça demande beaucoup de moyens. Donc le souci de France Info aujourd'hui, c'est de mettre les moyens au bon endroit. L'endroit le plus important, c'est les journalistes, c'est la rédaction, si vous voulez. Après, je pense que l'habillage, c'est quelque chose qui est en négociation, qui va se faire sûrement pour la rentrée, et ça va venir petit à petit. Donc c'est tout ça. Et comme je vous expliquais, le service public, c'est toute une mécanique assez complexe, qui fait que les choses évoluent pas. Aussi vite qu'on aimerait, mais ça évolue. C'est quelque chose qui se travaille dans le temps, en fait, tout simplement. Oui, on n'oublie pas que de toute façon, on est tous d'accord sur ça. Le principal, c'est bien sûr le contenu et pas forcément la forme, même s'il faut c'est un minimum. Bon, voilà, on est tous d'accord sur ça. Vous avez encore c'est un peu ça, de temps. On a encore plein de questions, je crois, à vous poser. Oui. Allez-y. Vous pouvez rester encore un peu avec nous. Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh bien, pour une fois, nous sommes à l'heure, donc je vous propose de faire une petite pause, le temps de boire un peu, de boire un verre, de reprendre notre souffle. Et vous êtes sur Radio Antigone, il est 19h. Radio Antigone. Radio Antigone. Déjà, c'est la première fois que nous sommes à l'heure et ça fait bien plaisir. 19h, comme toutes les heures, c'est déjà l'heure de faire un point sur toute l'actualité de ce mardi. Et c'est avec la rédaction. Bonsoir. Bonjour à tous, c'est les maires des quelques 38 000 communes françaises ayant choisi leur conseil municipal dès le premier tour des élections entreront en fonction au plus tard le 28 mai, a annoncé Édouard Philippe pendant les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. 46 personnes ont été testées positives au coronavirus au centre hospitalier de Lannion dans les Côtes d'Armor. Parmi elles figurent aussi bien des professionnels que des patients. Il n'existe pas de case retour à domicile sur l'attestation nécessaire au déplacement de plus de 100 km, et ce parce que le retour chez soi après un confinement ailleurs ne constitue pas en soi un motif impérieux. En cas de motif impérieux de rentrée, le ministère de l'Intérieur indique qu'il convient de cocher la case qui se rapproche le plus de sa situation. Si vous rentrez pour reprendre le travail, la case 1. Si vous rentrez car vos enfants doivent reprendre l'école, la case numéro 4. Dans tous les cas, cette attestation est nécessaire, ainsi qu'un justificatif de domicile et tout document prouvant vos dires. À Strasbourg, la cantine du Parlement européen a été transformée en centre géant de dépistage du Covid-19. Des personnes asymptomatiques sont accueillies, ainsi que les cas à contact repérés après la contamination d'un proche. Elisabeth Borne a affirmé qu'il n'y aurait pas d'aide de l'État aux entreprises stratégiques sans engagement écologique de leur part pour répondre à la crise économique provoquée par la pandémie. La ministre a rappelé qu'elle avait rejeté la proposition du MEDEF qui souhaitait un moratoire sur les normes écologiques imposées aux entreprises en estimant qu'opposer écologie et économie, c'est totalement dépassé. On n'est plus en 2008. Fin de citation. Plusieurs communes bretonnes ont effectué des demandes auprès des préfectures pour obtenir la réouverture des plages. Mais attention, si les autorisations sont accordées, vous ne pourrez pas pour autant bronzer au soleil toute la journée. Les services de l'État optent pour un usage dynamique de la plage. On pourra se baigner, surfer, se promener ou encore courir. Merci à la rédaction pour ce point très complet. Sur l'actualité, Matt, tu peux continuer à parler, ne t'inquiète pas. Vous êtes sur Radio Antigone 19h02, la Castalk en édition spéciale continue. Radio Antigone. De 18h30 à 19h30, c'est la Castalk d'Enzo. Nous sommes là, comme tous les jours, et on pote hors antenne, oui. Effectivement, et c'est bien normal, je suis le seul à vous parler. Nous allons retrouver Delphine Sabat, passionnante dame qui nous explique son métier et les secrets de France Info TV ainsi que de France Télévisions. Nous allons la retrouver à l'antenne dans quelques instants. Nous sommes toujours en édition spéciale jusqu'à au moins 19h30. Voilà. Nous sommes là et je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant qui vient d'être dit hors antenne. Nous étions hors antenne, je refaisais la petite intro, allez-y. Oui, on discutait avec Matt de France Info qui a tardé à naître, effectivement. Et puis au début, c'était une chaîne qui était prévue plus pour le numérique. C'était prévu pour le site internet et qui, au final, s'apercevant que la chaîne fonctionnait bien au niveau internet, ont décidé d'en faire une chaîne télé sur la TNT, quoi. Donc voilà pourquoi après, au début, elle a été lancée d'abord que sur internet la veille du lancement, et après on a basculé sur la télé. Mais ça a été décidé bien en amont. Mais c'est vrai qu'au début, ils pensaient plus au numérique. Hein. Eh bien, très belle information, effectivement. Alors Matt a une question, je viens de voir apparaître son message, on va continuer sur ça. Je vous propose de, parce qu'on a pris un peu toutes les directions avec toutes ces questions, de revenir plus personnellement sur vous, de se recentrer un peu sur votre parcours personnel, sur vos études. Alors j'ai vu un peu, parce que j'ai eu des informations avec Willy, donc j'ai pu savoir un petit peu les études que vous aviez faites. Et puis moi, ça me rassure aussi personnellement, parce que c'est justement où je voulais aller, donc ça me va parfaitement. Expliquez un peu à nos auditeurs comment, quel est le parcours professionnel pour arriver à ce beau métier. Alors moi, j'ai eu un parcours un peu atypique. En toute franchise, je suis arrivée dans l'audiovisuel en 96. Au moment du câble, du lancement des chaînes du câble et de la TNT, bien avant. Et le parcours que j'ai eu, moi j'ai fait des études universitaires, donc j'avais un DUG de cinéma, qui est un Bac+2, que le DUG n'existe plus, hein, parce que maintenant c'est la licence. Et puis j'ai trouvé du travail à la sortie de l'université, et puis c'est comme ça que j'ai appris le métier de la programmation. Sur des chaînes du câble qui appartenaient, j'ai commencé au sein du groupe AB, qui était à l'époque le créateur des créateurs des sitcoms Hélène et les garçons. Et puis ils ont décidé de lancer des chaînes du câble parce qu'ils avaient un des plus gros stocks européens de programmes. Et ils ont lancé des chaînes variées qui existent toujours d'ailleurs aujourd'hui, hein, qui étaient des chaînes de cinéma, des chaînes de documentaires. C'est comme ça que j'ai appris le métier. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des bonnes personnes pour travailler sur e-télévision, puisque Canal+, cherchait à lancer sa chaîne d'info. Je suis rentrée dans l'information en 99 avec Christian Dutoit, qui est le fondateur d'LCI, le fondateur du concept des chaînes d'info. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'information. Et puis, j'ai repris mes études au bout de 20 ans, c'est-à-dire à 40 ans passés, j'ai repris mes études pour continuer jusqu'au Master 2 d'esthétique de l'image. Donc, il y a un diplôme entre le cinéma et l'audiovisuel. Et c'est comme ça que j'ai continué dans le métier. Et puis après, j'ai basculé vers la diffusion. Il faut savoir que pour passer de la programmation à la technique, c'est un parcours assez difficile. On passe pas comme ça à la technique. Le diplôme le plus classique pour travailler dans une régie, c'est le BTS, exploitation du matériel audiovisuel. C'est des BTS assez reconnus aujourd'hui. Vous avez des BTS montage, BTS production et BTS exploitation. Donc ce sont les diplômes les plus reconnus pour travailler dans la technique. Moi, j'ai plutôt tout appris au cours de mon expérience. Et c'est en arrivant chez France 24 que j'ai pu basculer à la diffusion. Voilà, et apprendre le métier de diffusion, de chef de chaîne. Et puis maintenant, je ne fais que ça. Voilà. Mais je connais tout le cheminement, que ce soit antenne, programmation, diffusion. Je maîtrise les trois domaines et tout le processus de comment fonctionne une chaîne de télévision de A à Z, hein, plus ou moins. D'accord. Et les BTS exploitation, qui sont d'ailleurs, il y en a quelques-uns, mais c'est très réduit, hein, l'offre et c'est un. Oui. C'est très recherché. Pour moi, c'est les études courtes les plus intéressantes parce qu'on a forcément du travail à la clé parce que c'est très recherché. Que ce soit pour de la maintenance télé ou de la programmation de l'antenne, surtout de la diffusion, ce sont des métiers qui sont recherchés, très appréciés et très reconnus dans le milieu. Donc après, si on peut faire par d'autres chemins, pourquoi pas? Il n'y a pas de chemin vraiment officiel, mais c'est vrai que le BTS, la France Télévisions, c'est quelque chose qui est très reconnu. Voilà. On n'a pas le même rendu vis-à-vis quand on sort d'un BTS et quand on a fait des études universitaires. Moi, je l'ai souvent ressenti parce que tout ce qui est universitaire est très théorique et le BTS, on vous forme vraiment à la pratique. Elle est là, la différence. Et justement, ça va nous permettre d'engager le dernier sujet dont on voulait parler, même si on a encore d'autres questions qui arrivent dans 30 secondes. En deux mots, avant d'ouvrir le sujet plus généralement, est-ce que ces métiers, encore dans les prochaines années, seront encore privés, seront encore demandés Alors là, justement, effectivement, votre question est très intéressante. Et le métier de la diffusion est un métier en pleine évolution. Avec l'arrivée d'Internet et de toutes les chaînes sur le net, c'est un peu compliqué. C'est pas le même travail. Je sais pas si à l'avenir on se pose beaucoup de questions sur l'avenir du métier de chef de chaîne. Est-ce qu'il va persister ou pas? Et c'est assez compliqué. Pour l'instant, on en a besoin. Est-ce qu'un jour on en aura encore besoin? J'ai des doutes, que ce soit même dans l'information, mais en même temps, ça reste un métier parce que quand on voit les chefs d'édition, ce sont des gens qui gèrent les conducteurs du journal. Mais ils n'ont pas parfois la notion de ce qu'est une antenne globale. Ils ont du mal à comprendre vraiment comment tout fonctionne. Parce que en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les journalistes et la technique, c'est deux mondes qui travaillent ensemble, mais parfois qui ne se comprennent pas forcément. Parce que les journalistes, c'est plus de l'éditorial, et la technique, ils ont d'autres impératifs. Et parfois, c'est là que il y a une frontière qui se fait. Ils ont du mal à comprendre comment on fonctionne. Parce que dans une chaîne d'info, la technique le chef de chaîne, il est obligatoire. Hein. Vous voyez, par exemple, je peux vous donner un exemple. Le matin, quand on raccroche de France 24, c'est assez compliqué. Un chef d'édition pourra jamais le faire. C'est pas son métier. Il y a des choses assez complexes. Faut connaître un peu les transmissions. Nous, on travaille beaucoup sur les transmissions, les extérieurs, quand on fait des antennes communes avec France 2, France 3 ou France O. C'est assez complexe, hein. Il faut passer par un nodal. Alors un nodal, c'est entre guillemets, pour schématiser, une gare de triage de toutes les transmissions audiovisuelles. On doit gérer l'arrivée de telle sortie, de tel extérieur. Il ne faut pas se tromper parce que sinon on diffuse à l'antenne le mauvais élément. Donc c'est ça, il y a une complexité du métier qui fait qu'ils ne l'abandonneront pas aujourd'hui tout de suite, mais c'est vrai que la question de l'avenir du chef de chaîne elle se pose aujourd'hui. Hein. Eh bien, on va continuer sur ce sujet de l'avenir et ouvrir dans tous les médias. Effectivement, chef de chaîne, on imagine qu'il y aura peut-être des changements qui pourront faire que le métier, en quelque sorte, perdurera dans différentes formes. Matt, quelle est ta question ? Oui, bah alors, j'ai une question un peu plus globale, un peu plus générale, comme d'habitude, je m'en excuse. En fait, c'est tout simple. Quelles sont les ambitions de France Info, de la chaîne télé? Quel est le but? Et est-ce que vous pensez possible une augmentation significative des audiences, par exemple France Info qui passe deuxième chaîne de France, au vu de la programmation actuelle? Et quand je dis programmation actuelle, c'est par exemple entre 13h et 17h, il y a seulement des grands journaux. et il y a, y a quelques rediffusions quand même. Donc, du coup, je voulais savoir, du coup, quel est le but de France Info et quelle est son ambition avec notamment bon, le numérique qui existe déjà depuis pas mal de temps, mais avec les smartphones qui deviennent de plus en plus utilisés, avec aussi les assistants vocaux, même si ça concerne pas trop la télé, ça la concerne forcément un petit peu. Je voulais savoir, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce qu'on est quand même dans une période où la télévision prend de moins en moins de place dans la vie des Français et dans la vie du monde entier. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, qui est aussi vraiment très intéressante, parce que il faut savoir que France Info a déjà atteint un premier but, c'est le numérique. Le site est parfois premier, souvent, ou deuxième. C'est beau. Il est très, très, très regardé. C'est des audiences hyper élevées. C'était le but. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'au début, France Info était prévu que sur Internet, en numérique. C'est déjà une bonne base. C'est le but et voilà. Et Delphine Ernotte a plus ou moins atteint déjà ce premier but. Pour ce qui est de la télé, c'est plus compliqué parce qu'on a une concurrence et puis on est la dernière arrivée. Donc forcément, on est moins connu et moins par les téléspectateurs. De plus, on est Canal 27, donc bon, c'est quand même la dernière, le chiffre est loin. Donc on ne sait pas si un jour on aura le Canal 14. Oui, parce qu'actuellement, avec cette période de confinement, c'est assez vague. Voilà, et puis effectivement, le but de France Info, aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un potentiel. Au début, c'était pas la chaîne télé qui était prioritaire, c'était le numérique. Hein. Et puis petit à petit, ils se sont aperçus qu'ils étaient capables et qu'on pouvait proposer une offre plus élargie parce que il faut comprendre que le fait d'être une chaîne du service public, il y a des devoirs du service public, se doit d'informer et d'avoir toujours un côté institutionnel, éducatif et d'être toujours le bon élève. Ça fait partie d'un peu de l'image du service public. C'est pour ça que on essaye toujours de développer tout ce qui est fake news. On essaye toujours on est une chaîne d'info un peu différente dans le sens où on essaye d'être moins anxiogène sur le news, d'avoir toujours un décalage par rapport à l'analyse, à l'angle des choses. Ça se ressent beaucoup. Effectivement, le but aujourd'hui de France Info. Oui. Je pense que le but de France Info, sans me tromper, c'est d'un jour d'être une des meilleures chaînes d'info. Après, je dois vous dire que c'est sûr que pour ça, il faut des moyens. Alors effectivement, on s'appuie beaucoup sur les moyens de France Télé avec les correspondants à l'étranger. Ça fonctionne très, très bien. Les régions ont vraiment grossi leur antenne d'information dans toutes les régions. Ils font maintenant, je crois, plus de 6 heures d'antenne. Voilà, donc faut savoir que la guerre des chaînes régionales, elle est là. Hein. Tous les grands groupes commencent à s'y intéresser. Et effectivement, alors est-ce qu'on arrivera un jour à être aussi avoir autant de téléspectateurs que BFM, on l'espère, mais pas du tout pas du tout avec la même analyse éditoriale. Le service public peut pas se permettre de faire ce que fait parfois BFM, c'est différent, mais toujours en restant en n'oubliant pas qu'on est le service public et qu'on a des devoirs par rapport aux téléspectateurs. Et que notre but, c'est d'informer, mais intelligemment, d'apporter des réponses à tout ce que les téléspectateurs ont envie de savoir. Après, effectivement, l'information est un domaine assez complexe parce qu'on a affaire à des breaking news qui font que parfois, on a une information brute à analyser et qu'il faut réagir vite. Et c'est ça le plus difficile dans une chaîne d'info. De façon générale, notamment à France Télévisions, est-ce que vous avez l'impression que là, en ce moment, le train est en train d'être accroché pour la suite, l'avenir de tous ces beaux médias audiovisuels? Est-ce que il y a encore du travail à faire pour essayer de rester dans la course, en quelque sorte dans la course, mais pour rester en vie par rapport à tout le numérique qui arrive aux nouveaux supports? Est-ce que là, vous pensez que c'est en bonne voie ou il y a encore du travail beaucoup plus à faire et un peu plus vite? Alors moi, je pense que par rapport, avant le Covid, Delphine Ernotte a fait un excellent travail de transformation qui est toujours en cours. Hein. par rapport au numérique avec l'arrivée de Salto. Il faut savoir que, bon, actuellement, on se rend bien compte que la VOD prend une place énorme parce que les gens sont restés confinés et qu'aujourd'hui, moi-même, je regarde, j'ai pris des abonnements pour voir d'autres programmes. Effectivement, France Télévisions est en train de se moderniser et effectivement toujours à son rythme. Mais Delphine Arnaud a plein de projets intéressants, dont bon, France Info a été un des projets vraiment phares en 2016. Bon, maintenant, il faut faire évoluer les choses. Le problème, c'est qu'il faut faire démarrer toute l'infrastructure qui était les séries, les programmes, les productions. Ça va être un peu compliqué. D'ailleurs, elle a annoncé que plus ou moins les grilles changeront qu'à partir de janvier, parce qu'il faut avoir le temps de se retourner et de reprendre les tournages. Mais je pense que France Télévisions a de l'avenir, mais vous savez, le souci majeur dans les médias, c'est le budget, c'est l'investissement. Plus on a de moyens, plus on peut faire beaucoup de choses. Et comme dans le service public, on a des moyens limités par rapport à ce qu'on reçoit de l'État, je pense que c'est pas évident parfois de pouvoir créer avec ce qu'on nous donne. Mais Delphine Arnaud, moi, je pense que ça fait un excellent travail de modernité, de changement, de rafraîchissement, de nouvelles têtes à l'antenne, de nouvelles idées. Et comme on peut voir, il y a des émissions d'après-midi qui marchent très bien. Les synergies avec l'information commencent à très bien marcher. Mais bon, ça prend un peu de temps. Alors effectivement, l'avenir des médias, est-ce que ça passera tout numérique ou pas? C'est la question. Est-ce que aujourd'hui les gens veulent pas avoir plusieurs offres chez eux pour avoir le choix? Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je me fais ma propre télé. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans le même cas. On se crée sa propre télé à la maison parce qu'on veut pouvoir regarder à n'importe quelle heure le programme qu'on veut. On veut avoir accès au replay. On veut avoir accès aux nouvelles séries. On veut avoir accès à une information. Et je pense que pour moi, l'information, son avenir, c'est l'information à la carte. C'est l'information. Chacun peut choisir ce qu'il a envie de voir dans l'information. C'est plus d'interactivité entre le téléspectateur et l'information. Ce qui est d'ailleurs bien le but quand même, ce qui a déjà été bien amorcé à France Info TV. On pense notamment au grand totem avec le live France Info qui passe en continu. Oui. Même si c'est pas très très souvent, parfois les journalistes étudient les questions qui apparaissent, qui sont là. Ça c'est déjà dans la continuité, ça. Oui, tout à fait. Moi, je vous dirais que personnellement, moi, j'aimerais bien voir plus d'émissions, plus d'interactivité avec des téléspectateurs qui aiment la chaîne, par exemple, des personnes comme vous qui suivez la chaîne. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de fans qui aiment l'habillage, qui aiment la chaîne. Et peut-être, pourquoi pas créer des rendez-vous réguliers avec des gens qui vraiment peuvent donner leur avis et puis prendre du recul sur ce qu'on est. Pour mieux avancer. Je pense que quand on se remet en question, c'est comme ça qu'on arrive à avancer et à attendre vers des choses plus positives et plus cohérentes. C'est toujours bien de se remettre en question. Et c'est vrai que je pense que l'interactivité avec les personnes sur les réseaux sociaux ou sur la télé, même si on le fait déjà à France Info, moi je l'accentuerais personnellement. Je pense que c'est un bon angle parce que être acteur de sa propre chaîne d'info ou de sa propre chaîne pouvoir interagir, c'est qu'on devient acteur de son contenu en fin de compte. Et moi, je trouve que c'est ça l'avenir. Eh bien, oui, effectivement, France Info à la radio a d'ailleurs beaucoup fait ça pendant le confinement et je crois que ça a bien fonctionné. Et ça va peut-être permettre, notamment pour France Télévisions et France Info TV, de lancer de nouveaux concepts qui vont plaire ou non, mais effectivement oui, c'est intéressant. Merci beaucoup encore d'être avec nous. On va passer, si vous avez encore quelques minutes, on a d'autres questions qui sont un peu plus un peu plus hors sujet sur le fonctionnement encore de France Info. On a des questions sur le plateau que Morgane voulait poser. D'accord. Matt voulait poser une question également. On va passer par Morgane pour l'instant qu'on n'a pas entendu depuis quelque temps. Morgane, vas-y, une question sur le fonctionnement du plateau, c'est ça? Pas exactement, non, mais même si le plateau est, j'imagine, assez impliqué, donc j'imagine effectivement votre rôle comme étant assez central pour tout ce qui touche à la diffusion des éléments à l'antenne, avec besoin de beaucoup de coordination à la fois avec le plateau, avec la régie, j'imagine aussi qu'il y a peut-être pas mal de liaisons par oreillette, vous me corrigerez si je me trompe, de la concentration pour l'ensemble. Oui. Oui, c'est ça, il y a oui. Alors, en fait, il y a deux, si vous voulez, dans la régie, elle se divise en trois. Vous avez une première régie où vous avez le réalisateur, les cadres techniques de réalisation, le technicien vidéo et la chef d'édition. Au milieu, vous avez l'ingé son et au fond, vous avez un chef d'équipement et nous-mêmes. Et en fait, tout ce qui est oreillette est géré par les chefs plateau en bas et par les ingé son. Et tout ce qui est plateau et cadre caméra, c'est géré par les réalisateurs qui choisissent les plans suivant une charte qui a été définie, vous savez, par rapport aux fenêtres, quand ils font du 50-50, quand ils divisent l'écran. Donc tout ça est géré par les réalisateurs. D'accord. La petite question que je me posais donc justement sur votre métier au quotidien, est-ce que pardonnez-moi l'expression, est-ce que c'est la course ou alors est-ce qu'il y a des moments plus détendus? Quels sont les moments ou peut-être le type de d'événements ou de tâches que l'on vous confie qui sont les plus frénétiques et qu'est-ce qui serait au contraire le plus détendu à gérer dans ce que vous faites? Alors, par rapport au chef de chaîne, c'est un peu toujours, enfin, le travail est toujours le même. Effectivement, nous, on a un travail, si vous voulez, quand on est en matinale le matin en direct, notre travail à nous, c'est de raccrocher de France 24 et de donner la main toutes les demi-heures à la production, aux journalistes, aux news. Donc, c'est un travail un peu, je dirais, facile. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est surtout de s'assurer que techniquement, tout se diffuse proprement, que le son soit propre, que l'image soit propre, suivant les normes techniques. Après, là où on a beaucoup de, je dirais entre guillemets, de où c'est passionnant, c'est un peu contradictoire, mais c'est quand il y a des breaking news, quand il y a une information chaude qu'il faut traiter, qu'on nous demande de casser l'antenne, de récupérer l'antenne, quand on doit sauver la mise parce qu'on se soutient tous ensemble, on est une équipe. Là, c'est vrai que c'est un métier où il y a de l'adrénaline, il faut garder son sang-froid. Et là, c'est différent. Mais nous, en temps normal, on suit la régie news et c'est eux qui sont les maîtres. Après, d'un point de vue là, l'envers du décor, effectivement, on est une équipe assez en régie où on connaît plutôt bien notre métier, on rigole assez dans le sens il y a une bonne entente. On essaye toujours de s'écouter. Bon, après, comme dans tous les métiers, il y a des fois on se comprend pas, mais c'est rare. Et on est tous sur le même bateau, si vous voulez. Quand on est dans une régie, on est tous ensemble. Le travail de chacun impacte sur le travail de l'autre. Oui. Et nous, notre travail, c'est toujours d'être le filet de secours pour la régie news. En cas de problème, quand des fois il y a des pannes techniques, là, c'est nous qui reprenons la main. Quand parfois, la rédaction a rien à dire, ben, on va pas rester à l'antenne, donc on récupère. On a des sujets de comblement qu'on garde sous le coude pour combler l'antenne quand il y a besoin. Donc, en fait, le métier reste un peu le même. Ce qui change, c'est l'éditorial, effectivement. Pour vous donner 2-3 exemples, quand on a eu Notre-Dame, ça a été une soirée assez compliquée. Voilà, je veux dire, c'est les directs qui font que la journée va être différente. Parfois, oui. C'est très dur parce que parfois, c'est compliqué parce qu'on gère une actualité qui est assez dure. Parfois, ça peut arriver. C'est compliqué. Faut essayer de prendre du recul. Et en plus, on a, dans une région, on est souvent dans le bruit toute la journée. Donc, c'est assez compliqué. Mais il y a quand même un certain plaisir. C'est celui de bien faire son travail et de bien informer le téléspectateur et d'essayer de bien suivre la rédaction. Parce qu'en fait, la technique, elle est là, entre guillemets, pour servir la rédaction. C'est la rédaction qui est l'éditorial et c'est à nous de la mettre en valeur à travers ce qu'ils nous demandent. D'accord. Merci beaucoup. Je sais pas si j'ai... merci à vous. Matt, une dernière question, si oui. Je crois que tu avais. Vas-y. Oui, alors, on a vu quand France Info rediffuse, je vais finir mes mots, ça va être mieux, quand France Info rediffuse France 2 pour certaines éditions spéciales, on voit qu'il y a un cadre noir autour pour pas gêner l'antenne. Pendant les directs type allocution, on voit en haut à gauche un petit cartouche rouge direct qui s'allume. Et du coup, ça m'a amené à poser cette question très vague. J'espère que vous allez réussir à y répondre. Je suis désolé d'avance. Comment est fait l'habillage en direct? Est-ce que c'est automatisé? À quel point? Par exemple, pour les titres des journaux, qu'est-ce qui est automatique et qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait? Alors, déjà, première chose, vous êtes le bienvenu pour venir voir en réel comment ça se passe. Hein. Ça, déjà, ça vous permettra d'avoir... Alors, je vais vous expliquer. Le petit écran noir, ça a un petit nom. On appelle ça une Marie-Louise. Voilà, ça, c'est déjà une première chose. Le petit écran noir qu'on met pendant les directs en simultané permet de surélever l'habillage par rapport à celui de France 2. Parce que comme par-dessus, on colle notre habillage, il faut ce petit écran permet de pas trop mordre sur l'habillage de France 2. Voilà, c'est pour remettre à niveau les deux habillages. Ça, c'est une première chose. Pour ce qui est du logo direct, effectivement, nous, on l'active, mais... jusqu'à présent, on l'activait, nous, de notre poste. Depuis quelques mois maintenant, c'est le chef d'édition qui en est le maître. Il peut l'activer de chez lui. Parce qu'un direct, c'est plus le journaliste qui sait comment le mettre à l'antenne que nous. Nous, nous ne sommes pas l'éditorial. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on le met à la main, on peut se tromper, l'oublier. Ça, c'était vraiment quelque chose qui ne rendait pas propre l'antenne et qu'on a demandé au bout de 3 ans, on leur a dit, voilà, il faut absolument que le direct parte de la main du chef d'édition et plus de la main de la continuité. Après, effectivement, maintenant, on peut le gérer nous-mêmes. Voilà, donc maintenant, le logo, quand on est en antenne simultanée avec France 2, c'est nous qui le mettons à l'antenne. Voilà. Je vais vous donner un petit indice. Quand vous regarderez la matinale de France 2 le matin, il n'y a pas de logo direct. Parce que c'est le CDE, c'est France 2 qui doit gérer son propre direct et plus nous. Nous, on le met sur France Info, mais sur France 2, c'est pas nous qui avons la main, vous voyez? Parce qu'en fait, France 2 récupère un extérieur et nous, on a notre extérieur. Et pour ce qui est de l'habillage des titres, tout ce qui est dans le journal, c'est un habillage qui est déjà préfait. D'accord. Et ça, c'est déjà ancré dans les conducteurs et ça part au top du chef d'édition. C'est lui qui fait partir les titres, qui change les titres. Et ça, c'est inclus dans la Régie News. C'est pas nous qui le gérons. Ça, c'est vraiment le journaliste et la Régie News, les CTR qui gèrent ça. En plateau. Voilà, exactement. Donc, quand on est en direct, le son est géré en temps réel, les problèmes d'oreillettes, les retours écrans des présentateurs, tout ça est géré en direct. Les fermetures, ouvertures de micros qui sont des fois problématiques, tout est géré en temps réel par les techniciens quand on est en direct. C'est vraiment un travail qui fait, je dirais, comme on dit chez nous, c'est de la dentelle, quoi. Ça doit être parfait. Bon, ça l'est pas toujours parce que parfois il y a des imprévus. Mais pour ce qui est de l'habillage, voilà, nous. L'écran noir, c'est une Marie-Louise que l'on met quand on fait des émissions pour France O et pour France 2, France 3. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Très bien. Pas de rien, avec plaisir. Eh bien, je crois qu'on a fait un grand tour. Là, on est quand même ensemble depuis presque une heure. On a eu différentes questions, un peu de tout. Très bien. Je crois qu'on est un petit peu... à bout de questions pour l'instant, mais c'était très intéressant. C'était déjà pas mal. Ben oui, c'est déjà pas mal. Oui, c'était très intéressant. Et si je peux me permettre, juste pour terminer, j'aimerais juste remercier, si vous m'autorisez une seconde, mon directeur d'exploitation, Éric Journoux, et remercier mon directeur de rédaction, Stéphane Dubin. Voilà, parce qu'ils m'ont autorisé, j'ai eu l'accord pour faire cet entretien, et j'en ai été vraiment très ravie de votre invitation. Voilà, et puis comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes les bienvenus si un jour vous voulez venir visiter la chaîne pour comprendre tout ce qu'on s'est dit ce soir, bah vous êtes la bienvenue. Voilà. Eh bien, on remercie donc aussi ceux qui vous ont autorisé. On vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes ces questions, parfois un peu complexes, hein, on pense notamment aux dernières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est merci. Un plaisir. Merci puis, à vous. Vous êtes la bienvenue sur Radio Antigone, bien sûr. Il est déjà 19h30, merci. L'heure de rendre l'antenne sur Radio Antigone. Oui, oui, oui. Merci d'avoir été avec nous dans votre case du soir. Case du soir très spéciale aujourd'hui. On n'a eu aucune de nos rubriques habituelles, mais ce n'est rien puisqu'elles reviennent demain. Demain, on retrouve le programme TV, la case d'avant, les actus du numérique, le qui veut gagner des Antigones, oui, la nouvelle version du quiz, voilà, tout ça avec de l'actualité toutes les 30 minutes. Et même de la musique avec Matt dès 17h30, le radiojournal d'Antoine à 18h30. Restez avec nous sur Radio Antigone pendant encore quelques temps, puisqu'on est tous ensemble, voilà. On passe des bons moments comme celui qu'on vient de vivre. Cette interview sera retrouvée bien sûr en podcast si Madame Saba nous autorise. Oui, il n'y a pas de souci. Très bien, donc rendez-vous sur tour.radioantigone.com dès demain midi, c'est l'heure de publication des podcasts, voilà, comme toutes les autres émissions. Et on se donne bien sûr rendez-vous demain dès 17h30 pour une nouvelle émission sur Radio Antigone. Bonne soirée à vous, dans une trentaine de minutes, un nouveau point sur l'actualité, toute l'actualité de ce mardi 12 mai 2020, revient donc dans une trentaine de minutes. Bonne soirée sur Radio Antigone. Bonne soirée à demain. Bonne soirée. Radio Antigone. La radio à vif.